deuxième temps de notre série consacrée à l'histoire du corps, le thème des rendez-vous de l'histoire du monde arabe, qui s'ouvre après-demain à l'Institut du monde arabe à Paris. Toute la semaine, donc, l'histoire du corps dans la fabrique de l'histoire. Nous vous parlons du corps et de son histoire. Hier, à l'occasion du 70e anniversaire de la parution du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, nous avons évoqué avec Sylvie Chaperon l'importance de cet ouvrage dans la prise en compte du corps des femmes dans la politique de la deuxième moitié du 20e siècle. Demain, nous débattrons de l'histoire du corps dans l'Antiquité. Et aujourd'hui, nous nous intéresserons dans notre émission d'archives du mardi au corps du roi, mais aussi plus largement au corps des nobles et de la noblesse, avec deux auteurs. Stanis Pérez, il est historien. Il est auteur du Corps du Roi, incarner l'État de Philippe Auguste à Louis-Philippe, un gros livre aux éditions Perrin qui vient tout juste de paraître, c'était l'année dernière. Et Fadi Elage est auteur du Sabordage de la noblesse, mythe et réalité d'une décadence, dans une toute nouvelle maison d'édition d'histoire, Passé composé. Nous remarquons aujourd'hui que nos armées périssent beaucoup par le travail immodéré des soldats. Et cependant, c'était par un travail immense que les Romains se conservaient. La raison en est, je crois, que leur fatigue était continuelle, au lieu que nos soldats passent sans cesse d'un travail extrême à une extrême oisiveté, ce qui est la chose du monde la plus propre à les faire périr. Il faut que je rapporte ici ce que les auteurs nous disent de l'éducation des soldats romains. On les accoutumait à aller le pas militaire, c'est-à-dire à faire en 5 heures 20 000 et quelquefois 24. Pendant ces marches, on leur faisait porter des poids de 60 livres, on les entretenait dans l'habitude de courir et de sauter tout armés, ils prenaient dans leur exercice des épées, des javelots, des flèches d'une pesanteur double des armes ordinaires et ces exercices étaient continuels. Nous n'avons plus une juste idée des exercices du corps. Un homme qui s'y applique trop nous paraît méprisable par la raison que la plupart de ces exercices n'ont plus d'autre objet que les agréments, au lieu que chez les anciens, tout, jusqu'à la danse, faisait partie de l'art militaire. Il est même arrivé parmi nous qu'une adresse trop recherchée dans l'usage des armes dont nous servons à la guerre est devenue ridicule. Parce que depuis l'introduction de la coutume des combats singuliers, l'escrime a été regardée comme la science des querelleurs ou des poltrons. Toutes les fois que les Romains se crurent en danger, ou qu'ils voulurent réparer quelques pertes, ce fut une pratique constante chez eux d'affermir la discipline militaire. Dans nos combats d'aujourd'hui, un particulier n'a guère de confiance qu'en la multitude. Mais chaque Romain, plus robuste et plus aguerri que son ennemi, comptait toujours sur lui-même. Il avait naturellement du courage, c'est-à-dire de cette vertu qui est le sentiment de ses propres forces. Bonjour à vous, Fadi Elage. Bonjour. Merci d'être avec nous. De qui est ce texte que vient de lire Sophie Doll en ouverture de notre émission du jour? Il s'agit d'un grand penseur du XVIIIe siècle qui compare justement la noblesse de son époque à la noblesse des Romains. Oui, c'est ce cher Montesquieu que j'invite tout le monde à relire, puisque c'est un auteur qu'on pense bien connaître avec l'évocation de la séparation des pouvoirs, mais finalement, il recèle dans certains écrits plus ou moins oubliés des constats, on va dire, actuelle pour son 18e siècle. Et pour moi, c'est même, ça aurait pu être un Saint-Simon s'il avait voulu. Alors, c'est tiré des considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, donc signé Montesquieu. Il s'interroge en fait sur le déclin de la France au 18e siècle, et en particulier le déclin de sa noblesse, qui n'aurait plus justement cette beauté de l'art militaire que possédaient les Romains à la grande époque. Les nobles qui sont pourtant chargés dans la France de l'Ancien Régime de diriger les armées ne les dirigent plus tellement. C'est ce que vous expliquez dans votre livre Le Sabordage de la Noblesse. Et donc les critiques se font jour justement sur la légitimité, pourrait-on dire, de ces nobles à gouverner le pays, puisqu'ils ne considèrent plus qu'il est nécessaire de mener les armées au combat, Fadi Elhadj. Tout à fait. Alors Montesquieu, en fait, a publié son livre en 1734. Mais donc, il a rédigé à une époque où la France était en paix. Parce que le XVIIIe siècle a été marqué d'emblée par une longue période de paix, et c'est ça qui était particulier. C'est-à-dire que la guerre de succession d'Espagne s'est achevée en 1713-1714, et il n'y a pas eu de grand conflit européen jusqu'en 1733. Donc, il y a eu à peu près 20 ans où finalement on a réformé des troupes, où beaucoup d'officiers nobles finalement sont restés oisifs. Et ils sont restés à la cour, et tout compte fait, cette oisiveté, elle est critiquée par Montesquieu, parce qu'elle ne forge pas ce beau corps militaire qui est théoriquement le corps du soldat, et surtout de celui qui mène les soldats. Tout à fait. Et aussi, même dans la noblesse de province, on peut avoir le même constat. Et on le note aussi chez les jeunes nobles qui, justement, ne connaissaient pas le temps de guerre et qui s'engagent dans l'armée, qui se mettent dans une situation de oisiveté qui a suscité un peu de scandale chez des personnes un peu plus âgées. Alors on reviendra sur votre livre Le Sabordage de la Noblesse, qui est fort intéressant justement parce qu'il nous explique par tout un tas de traités et d'ouvrages que l'on ne connaît pas ou qui sont très peu connus, combien il y a un discours justement sur cette délégitimation de la noblesse. Mais bonjour à vous Stanis Pérez. Bonjour. Le noble, il n'est pas qu'un militaire et le plus élevé des nobles, à savoir le roi, il n'est pas qu'un militaire, il est un militaire, il a été longtemps chef de guerre, et en particulier il y a très peu de temps, au XVIIIe siècle, puisque le roi de guerre, c'est celui qui est décrit par Joël Cornette. Exactement. En parlant de Louis XIV, oui. Mais il est autre chose, et c'est cette autre chose que vous observez dans votre très beau livre Le Corps du Roi, incarné l'état de Philippe Auguste à Louis-Philippe, qui est sorti l'année dernière chez Perrin. Il est à la fois un mangeur, un homme normal, mais un homme sacré, qui a été oint par l'huile sacrée à Reims, et ça n'est pas rien, effectivement. Il tient sa légitimité de cette noblesse franque que l'on veut faire remonter, pour laquelle on veut faire remonter la royauté jusqu'à ce moment-là, et donc des gens qui gagnent le pouvoir, les armes à la main, mais il y a autre chose aussi. Il y a beaucoup de choses. Et surtout, il y a, je dirais, cette ambiguïté fondamentale qui consiste à retrouver dans les différentes formes de propagande ou de publicité, si vous préférez, royale, l'exaltation de la supériorité théorique du sang royal, une supériorité qu'aucun médecin, à l'époque, ne se serait avisé de confirmer, parce que pour les médecins, pour les chirurgiens, c'est un corps effectivement comme un autre. Alors, c'est pas tout à fait n'importe qui, parce que c'est le roi, ça peut être leur employeur, c'est le garant de la stabilité de l'État, etc., mais lorsqu'il s'agit d'opérer, lorsqu'il s'agit de purger, lorsqu'il s'agit d'ausculter, c'est un patient comme un autre. Ben c'est un patient comme un autre. C'est-à-dire que on s'aperçoit, et ce que j'ai essayé un petit peu de faire dans ce texte et dans d'autres, c'est de montrer que tous les superlatifs en réalité que l'on va utiliser pour désigner ce roi, ces reines, etc., ces superlatifs sont tout à fait réversibles. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, j'allais dire, heureusement qu'il y a encore des tableaux et des statues pour les glorifier, parce que dans la réalité, eh bien, les témoins s'aperçoivent de quoi ? Ben, que ça correspond pas du tout. Et que, d'un côté, on peut effectivement considérer que le portrait en pied, par exemple, de Louis XIV par Rigaud, c'est une exaltation exceptionnelle de la monarchie. Mais oui, mais suffisait de voir passer le roi tel qu'il était au début du XVIIIe siècle. Pour s'apercevoir qu'il correspondait pas exactement. Parce que, exactement, il correspond pas. Déjà parce qu'il tient pas debout, il a la goutte. Et que le manteau de sacre, d'ailleurs, dont la fuble Rigaud, il ne l'a pas porté depuis 1654. Donc en fait, c'est un fake complet. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que vous revenez évidemment sur une idée que nous a inculquée une école historique, en particulier d'outre-Atlantique, l'école cérémonialiste, donc qui a été marquée à la fois par Kantorowicz et Ralph Gizet, sur la question de la du double corps du roi. Donc on a en tête, dès qu'on parle à quelqu'un, il y a un double corps du roi, il y a le corps physique et puis il y a le corps sacré. Et lorsque le corps physique disparaît, immédiatement, quelqu'un reprend l'enveloppe physique, c'est un autre, un successeur, et le corps sacré continue. Et vous nuancez cette approche, effectivement, en disant, tout compte fait, est-ce que on a tant de preuves de cette existence, de cette permanence du corps sacré du roi dans notre monarchie française? Et vous insistez beaucoup, vous êtes historien aussi de la médecine, des médecins du roi, Stanis Pérez, vous insistez beaucoup sur le caractère éminemment vivant ou mort de ce corps du roi. Les deux ne sont pas incompatibles. Mais concernant cette théorie de corps du roi, remise en question, je ne suis absolument pas le premier à le faire par de nombreux historiens modernistes et médiévistes par ailleurs, j'attirerais simplement l'attention, si je puis dire, de l'auditeur, et pourquoi pas ensuite du lecteur, sur une citation que j'ai mis un petit peu en préambule, mais qui sert aussi peut-être d'avertissement à l'ouvrage. C'est un texte juridique, Maxime générale du droit français, 1657, donc c'est pas du tout un texte subversif, et qu'est-ce qu'on y lit ? Le juriste dit « C'est pourquoi l'on dit que le roi ne meurt point, non plus que les communautés, chapitres, collèges, villes, hôpitaux, maladreries et fabriques ne meurent jamais. Et de là sont appelées mains mortes. » Sous-entendu, tout ce qui est collectif, les corporations, une ville, je dirais, bien sûr, individuellement, la vie n'est pas éternelle, mais cette théorie de corps du roi, elle fait un petit peu, j'allais dire, l'économie du réel, et de ce réel que les juristes, que même les théoriciens... Du corps de chair. Le corps de chair, effectivement, et que on était dans un système métaphorique avant tout, où quand on dit le roi ne meurt pas, c'est l'État qui ne meurt pas. Et ça, aujourd'hui, qui dirait l'inverse, alors que nous sommes dans un système républicain, la République ne meurt pas. Alors justement, pour décrire des aléas du corps du roi, on a tiré de votre livre, Le corps du roi, justement, Stanis Pérez, un petit extrait d'Alphonse de Lamartine, ses mémoires inédits. Il parle de Louis XVIII et un corps qui était lui aussi assez, disons, chancelant. Pendant que Monsieur de Forbin parlait et que le roi écoutait en donnant des signes d'approbation, j'observais en liberté le roi. Je ne savais si j'éprouvais plus de plaisir que d'admiration. Il faut, pour être juste envers lui, oublier Béranger et la Minerve, les deux caricaturistes des Bourbons de cette époque de dénigrement. Le dénigrement n'est pas de l'histoire. Voici exactement le portrait de Louis XVIII. On l'appelait un vieillard, il ne l'était pas. Je voyais un buste vigoureux, s'élever dans une attitude virile, assis au milieu de ces groupes de ministres, de maréchaux, d'artistes, pour leur persuader l'admiration et non pour leur imposer l'obéissance. Son costume, commandé par l'infirmité de ses jambes, n'avait rien qui le signalât que l'épaulette militaire, flottante sur les épaules d'un habit bleu. C'était un hommage affarmé, un insigne royal qui n'avait de ridicule qu'aux yeux des fanatiques de la redingote grise ou du collet droit. Les hommes de bon sens n'y voyaient que la modestie d'un sage, qui ne voulait pas usurper la gloire et qui devait cependant montrer le signe du souverain d'une race militaire. Un gilet blanc, obliquement traversé par le ruban bleu de ciel, ordre chevaleresque de sa famille, marquait sa naissance et le confondait avec sa noblesse. Ses genoux malades étaient recouverts du manteau de son cheval absent, signe de paix, qui rassurait l'Europe et plaisait à son peuple. Quant à sa tête, j'en ai vu des milliers dans ma vie, mais je puis dire avec vérité que jamais aucune physionomie humaine ne répondit mieux à l'idée d'un sage, présenté par la Providence pour le rôle difficile de souverain pacifique d'un peuple compromis par un héros et perdu par lui aux jeux incessants des batailles, d'un sage rappelé au trône pour régner par la raison. Il n'y avait nul orgueil et nulle insolence. Stanis Pérez, on peut parler de ce Louis XVIII comme cela, en mettant juste en incise qu'il avait les jambes malades, mais qu'il avait une belle tête de chef militaire, en l'occurrence. On peut en parler autrement aussi. Oui, on peut en parler autrement, mais c'est un magnifique extrait qui m'inspire cette formule, vous me la pardonnerez par avance, mais c'est un petit peu l'art d'accommoder les restes. Les restes de la monarchie, d'un corps effectivement en plein déclin, et d'un système en fait qui n'a pas compris qu'il a été remplacé par autre chose. Pourquoi ? Parce que je crois qu'en fait, dès le milieu du XVIIIe siècle, je parle un peu sous l'autorité et avec l'amitié, bien sûr, de Fadi El Hadj, mais à partir du discours de la flagellation, des querelles entre Louis XV et les parlements, l'attentat plus ou moins raté d'ailleurs, pas raté du point de vue symbolique de Damien, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose et cette survalorisation du corps, qui là en l'occurrence, quand on compare à certains textes, donne quasiment dans le ridicule, pour ne pas dire la parodie des panégyriques de jadis, mais ça renvoie quand même à cette phase de la restauration. Restauration, je dirais que ça dit bien son nom, c'est-à-dire il y a quelque chose quand même qui était en ruine, qu'il fallait restaurer dans le sens de retaper un petit peu, mais qui, du point de vue des symboles, n'était plus du tout, j'allais dire... En phase avec l'époque. Tout à fait, tout à fait. Charles X, on le sait, aura exactement le même sort, non pas du point de vue de son corps propre, mais quand on songe qu'il a voulu restaurer le rituel du toucher des écrouelles et que même les ecclésiastiques à l'époque considéraient que c'était démodé, c'était dépassé, les gens se déplaçaient pour voir effectivement cette espèce de roi qui, comme c'était le frère de Louis XVI, voilà, il avait au moins un intérêt, on pourrait dire, historique, et ceux qui venaient se faire toucher par le roi venaient surtout réclamer la petite obole que l'on distribuait. Oui, Fadi El Hadj, d'ailleurs, vous insistez sur ce toucher des écrouelles, comme d'ailleurs dans son livre, en l'occurrence Stanis Pérez, en disant que celui qui a mis fin à cette tradition avant qu'elle ne fût restaurée par Charles X, c'est Louis XV soi-même, disant tout compte fait, étant donné la vie dissolue que je mène, je ne peux pas être celui qui va guérir les malades par mes mains, par mon toucher en l'occurrence, toucher que décrit très bien d'ailleurs Stanis Pérez dans son livre sur le corps du roi. Fadi El Hadj, vous expliquez bien que ce XVIIIe siècle est ce moment de bascule, que ces valeurs militaires qui font du souverain un souverain d'une race militaire, comme il est dit dans le texte de Lamartine, eh bien tout cela c'est déjà un peu derrière nous au milieu du XVIIIe siècle. Oui, le XVIIIe siècle, on va dire, solde un peu les comptes, c'est-à-dire qu'on avait déjà eu certains ébranlements dans des moments de crise, par exemple, je pense au règne d'Henri III, où on voit qu'on commençait déjà à se moquer des écrouelles à ce moment-là, et puis Henri III avait pris une posture doloriste qui avait été moquée. Mais alors Louis XV, en effet, pour ses mœurs jugées dissolues, il se jugeait indigne d'exercer ce pouvoir, on va dire, thaumaturgique. Donc, en y renonçant, il a créé une interruption qui finalement a fait beaucoup de mal puisqu'on a pu vivre sans finalement. Et puis alors là, je me place sous l'autorité de mon ami Stanis. Il y a un développement de la médecine au XVIIIe siècle et il me semble que quand même le problème des écrouelles est peut-être aussi mieux appréhendé, mieux connu. Donc disons que la magie ne tient plus. Oui, mais vous décrivez beaucoup d'autres de ces symptômes de cette fin, de ce suicide ou de ce moment terrible du sabordage de la noblesse, expliquez-vous, Fadi El Hadj. C'est un discours qui commence à perler de partout à l'intérieur de la société française, après, même au moment de l'agonie de Louis XIV, mais qui va évidemment s'amplifier tout au long de la Régence, et puis ensuite de Louis XV et de Louis XVI. Mais qui sont donc ces gens qui prétendent gouverner un pays alors qu'ils n'en ont plus les capacités, puisque la cour les a d'une certaine façon mis en cage, en l'occurrence la cour à Versailles en particulier. Oui, c'est vrai, la grande noblesse avait été domestiquée, on le dit souvent, et donc a été mise à l'écart des affaires gouvernementales. On voit que Louis XIV s'appuie soit sur la bourgeoisie, soit sur une noblesse, on va dire, un peu plus modeste, mais donc qui peut, on va dire, prendre une ascension grâce à lui. Et là, on a donc beaucoup de ducs et pairs qui ont un ressenti. Ils ont un ressentiment, ils sont et donc ils veulent prendre leur revanche au moment où l'édifice Louis XIVien se lézarde. Et ils vont le faire comment cette revanche ? Ils vont tenter de la prendre comment, leur revanche justement ? Ils vont tenter cela au moment de la Régence, savait que le système de la polysynodie, très bien décrit par Alexandre Dupilet, qui est aussi un ami, donc c'est un système... Où alors, il faut expliquer ce qu'est la polysynodie. Oui. C'est un début de conseil des ministres, on pourrait dire, avec en particulier des nobles qui, chacun, autour du Régent, donc... prennent un cabinet, un ministère, ce qu'on pourrait appeler un ministère. Voilà, il y a une division entre différents conseils, mais alors l'avantage quand même est qu'il y a eu des choix en partie selon des compétences. C'est pour certains domaines, par exemple la guerre, on choisit le maréchal de Villars, puisque de toute façon il était auréolé des victoires de la fin de la guerre de succession d'Espagne. Mmh. Donc on essayait de miser sur des compétences néanmoins. En revanche, le système n'a pas tenu puisqu'il a été considéré un petit peu comme décousu et avec beaucoup de désaccords internes. Donc, il y a eu une mutation après le ministère du duc de Bourbon à la mort du régent, qui était devenu premier ministre après l'intermède Dubois. Et le duc de Bourbon, par contre, a fait une optique qui était beaucoup moins, on va dire, rigoureuse sur le choix de certains serviteurs, de certains membres du gouvernement ou de son entourage. Et cela a aggravé l'image du gouvernement. Et donc, évidemment, il y a une critique de ce gouvernement tel qu'il est mené par ces nobles, qui s'accompagne aussi d'une critique de la cour, on l'a dit, et puis de la noblesse, qui n'est pas une noblesse militaire aussi. Et il y a à la fois la critique de la noblesse militaire qui n'accomplit plus son travail de gouvernement des armées, d'une certaine façon, puisqu'elle est à la cour, elle est autour du roi, elle ne prend pas de risques sur sa propre vie. Et d'ailleurs, vous expliquez bien, Fadi El Hadj, dans votre livre, sur le sabordage de la noblesse, qu'elle ne veut même plus aller dans les aventures militaires parce qu'elle considère que prendre des risques pour sa vie dans un contexte où on n'a pas beaucoup d'avantages, d'une certaine façon, ça n'est pas très intéressant, qu'il vaut mieux rester à la cour. Donc il y a cette noblesse militaire, puis il y a de l'autre côté la noblesse de robe qui est particulièrement décriée très tout au long du XVIIIe siècle. On va tenter, une noblesse ancienne d'épée va tenter de dire du mal de la noblesse de robe et de séparer la noblesse en plusieurs morceaux, pourrait-on dire. Oui, tout à fait. Il y a en fait un clivage entre différentes catégories de noblesse et ces rivalités ont justement abouti à des blocages et ce sont ces blocages sociaux qui ont fait accroître une crise. Parlez-nous de Dumouriez, auteur en 1790 de la Galerie des aristocrates militaires publiée à Londres chez les marchands de nouveautés dans sa préface. Alors, Dumouriez est un général qui est vraiment... fascinant puisque c'est tout un pan de l'histoire de France. Il a commencé sa carrière très jeune durant la guerre de 7 ans pour la finir, comme on sait, en exil en Angleterre. Alors Dumouriez avait écrit des notes sur les différents officiers généraux de la guerre de 7 ans entre 1764 et 1770 et il a complété un petit peu son travail au début de la Révolution française et il a présenté ça comme des mémoires secrets anonymes où finalement il dresse un portrait au vitriol de la plupart des chefs de l'époque et ce qui aurait provoqué notamment le déclin de la France au moment de la guerre de 7 ans. L'antique noblesse méprisait et adorait la noblesse titrée. Lasse de prodiguer son sang pour végéter pauvrement et avec humiliation dans les grades subalternes de la milice, elle subsistait à l'honneur gaulois, la bassesse, la flatterie, l'intrigue. Un hiver de Versailles était plus utile que 10 campagnes de guerre. Le gentilhomme, qui avait de la tournure, c'est-à-dire de la fatuité et de l'audace, rampait à la cour devant les ducs et les commis, il en revenait corrompu et colonel. De là vient cette choquante multiplicité des emplois supérieurs du militaire français, qui ont avili tous les grades et surchargent l'almanach royal et le tableau des pensions d'une foule d'êtres inutiles qu'il devient conséquent de payer en raison des dignités dont on les a honorés. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. 9h31 sur France Culture, une fabrique de l'histoire, à l'occasion des rendez-vous d'histoire du monde arabe qui auront lieu en fin de semaine à Paris à l'Institut du monde arabe et qui parleront du corps, en particulier dans l'espace méditerranéen. Nous concevons une semaine autour du corps et aujourd'hui plutôt du corps des nobles et des rois dans la France de l'ancien régime. Alors on a entendu par Sophie Dolle la lecture de ce texte de Dumouriez, donc la galerie des aristocrates militaires sur cette descente en gamme, pourrait-on dire, de ce qui a été justement la grande noblesse française qui était au pouvoir par ses vertus militaires. C'est ce qu'on appelle l'anacyclose, c'est cela, Fadi El Hadj ? Oui. Tout à fait. Alors j'ai trouvé le thème de l'anacyclose dans Polybe et c'est on va dire un phénomène cyclique de changement et de descente en gamme des différents régimes pour après finalement repartir de zéro. Oui, donc dans Polybe, qui était très lu et traduit justement en ce milieu de XVIIIe siècle et qui a servi aussi de modèle à cette comparaison avec la Rome antique. On entend dans ce texte de Dumouriez la question du sang, Stanis Pérez. C'est important la question du sang pour le sang royal, mais pour le sang des nobles, même si effectivement, comme vous le dites bien, ben, les médecins qui sont auprès des rois savent très bien que le sang d'un roi n'est pas très différent du sang d'un de ses sujets en l'occurrence. Mais c'est important symboliquement. Ce qui est surtout important au-delà du sang, c'est l'hérédité. La monarchie, c'est avant tout un pouvoir qui est considéré comme héréditaire. C'est-à-dire qu'il y a une légitimité symbolique, historique, tout ce qu'on voudra. Oui, la monarchie, évidemment, et c'était l'usage à l'époque, est un régime, j'allais dire, à la fois identitaire et national, même si les identités et les nations n'existent pas dans l'Ancien Régime. Mm-hmm. Pas au sens où, évidemment, on définira ces termes à partir du 19e siècle. Ce qui est important, c'est l'hérédité. Mais les médecins étaient en fait un petit peu coincés parce que la biologie est héritée d'Aristote, considérait qu'en réalité, ce n'était pas le père qui transmettait le sang, mais c'était la mère. Mm-hmm. Et c'était très compliqué parce que du coup, comme il pouvait il fallait avoir écarter rois, les femmes, de, il fallait voilà. écarter les femmes du pouvoir. Donc, vous êtes coincés par la loi salique parce que la loi salique dit tout pour les hommes, et on dit en même temps supériorité du sang royal. Eh oui, sauf que c'est le sang de la mère. Et ces reines de France, tout de même, c'était toutes des étrangères. Alors, on a beaucoup glosé sur la consanguinité. Oui, d'accord, Marie-Thérèse, la femme de Louis XIV, c'est sa cousine. Bon, mais quand même, c'est une Espagnole. Alors, en plus d'Autriche, donc c'est une, elle a du sang Habsbourg, en réalité. Il y a en réalité un métissage dans ces familles royales. Et peut-être qu'on ne mettait pas ça en avant, bien sûr, mais on disait, voilà, il y a le roi de guerre, mais il y a la reine de paix. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'équilibre et d'harmonie dans le couple. Dans le fait que le roi représentait une certaine violence juste, qui était celle de défendre et d'étendre le territoire, mais la reine, finalement, elle permettait notamment des rapprochements avec les royaumes ennemis, et de donner ensuite, même si parfois on l'oubliait un peu rapidement, eh bien, des enfants qui étaient le résultat de ce métissage, j'emploie le terme, entre des monarchies, entre des couronnes, qui continuaient par ailleurs, c'est vrai, à se faire la guerre. Alors ce qui est fort intéressant quand on vous lit, Stanis Pérez, dans votre Corps du Roi, chez Perrin, incarner l'état de Philippe Auguste à Louis-Philippe, c'est que vous prenez quand même, vous sortez de votre zone de confort, dirait-on, en tant qu'historien, ça n'est plus simplement l'époque moderne qui vous intéresse, qui est votre spécialité, mais vous remontez au Moyen-Âge, justement, à Philippe Auguste, et voilà. Vous tentez de voir sur cette longue durée de plusieurs siècles, donc, comment a changé la vision du corps du roi ? Alors vous expliquez effectivement que le corps du souverain, au début, est un corps à discipliner. C'est celui de Saint-Louis, de ses multiples façons de se punir physiquement, pourrait-on dire, pour pouvoir justement accéder à la sainteté qu'il souhaite pour lui-même et pour tous ceux qui sont autour de lui. Mais c'est aussi un corps qui est toujours menacé par le poison, qui est menacé par la maladie, et donc ça n'est pas un corps en majesté comme on le connaîtra plus tard. Et vous citez plusieurs moments justement de cette longue histoire, avec un moment clé là aussi qui est assez surprenant, comme pour Louis XV au XVIIIe siècle, c'est selon vous Charles VI, le roi fou, qui est une bascule, parce qu'on se pose la question justement de savoir que faire d'un roi fou, justement, alors qu'il est décrit magnifiquement bien par les chroniqueurs de l'époque. Ce bien roi sûr. Fou, Charles VI, est décrit avec une très par grande beauté, hein. Voilà, par le religieux de Saint-Denis, je commencerai par son extérieur, sa taille sans être trop grande, surpassait la taille moyenne. Il avait des membres robustes, une large poitrine, un teint clair, les joues couvertes d'une barbe naissance, des yeux vifs. Son nez n'était ni trop long ni trop court. L'ensemble de sa figure était embelli par une chevelure assez blonde et dans l'âge mûr, il avait coutume de ramener du sommet de la tête sur le front parce qu'il n'aimait pas à laisser voir qu'il était chauve, etc. Et il termine ce religieux de Saint-Denis. Il était fort adroit à tirer de l'arc et à lancer le javelot, passionné par la guerre, bon cavalier. Donc il a toutes les qualités d'un noble, en l'occurrence, un noble de guerre, et malgré tout, il va devenir fou. Ça va poser un problème, ce corps du roi. Mais il y a deux choses. Bien sûr, il y a ce problème de la folie, mais il y a quand même l'émergence au XIVe siècle autour effectivement de cette folie. Bon, on pense aujourd'hui plutôt à de la schizophrénie, mais il y a l'émergence en fait tout simplement de l'objet corps, c'est-à-dire que le pouvoir s'incorpore, il s'incarne dans une logique là aussi métaphorique, symbolique à l'époque de Saint Louis, puisque le corps idéal du roi c'est un corps saint, c'est-à-dire on est dans une logique d'assimilation, d'association avec le corps du Christ, mais au XIVe siècle, avec Charles VI, on passe de l'incarnation, d'après moi, c'est ce que j'essaie de développer et d'étudier dans ce livre, de l'incarnation à l'incorporation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le blason ne suffit pas. Il faut des portraits. Vous prenez les sceaux. Il y a d'Italie pour la plupart d'entre eux, d'ailleurs. C'est vrai, mais vous prenez les sceaux, l'héraldique, etc. Ce sont des corps qui sont stéréotypés. Vous prenez les miniatures, tous les gens se ressemblent. À quoi est-ce qu'on reconnaît un roi ou une reine dans une miniature du XIIIe siècle ? C'est le manteau fleur-de-lysée, une couronne, le sceptre, etc. Les visages sont les mêmes. À partir du XIVe siècle, apparaissent des portraits, apparaissent des descriptions qui sont de plus en plus précises. Et la question, effectivement, qu'on peut se poser, mais la réponse, elle est difficile. Et moi, je suis pas certain de l'avoir complètement. Et je veux dire, mais pourquoi il y a eu ce besoin d'identification? Besoin d'identification qui va se traduire ensuite par l'apparition des portraits des souverains sur les pièces de monnaie. Au Moyen-Âge, on a l'héraldique, on a des symboles, des blasons. On n'a pas besoin d'avoir ces portraits qui vont être progressivement de plus en plus ressemblants. Et là, il se passe quelque chose. Et ça intervient quasiment un siècle avant la Renaissance. Et je crois que là, il y a une bascule en termes de représentation, de rapport au corps et même d'exercice du pouvoir. Prenons le cas de la numismatique à l'époque de Louis XIV. Tous les 10 ou 15 ans, le visage du souverain vieillit sur les pièces de monnaie. Et les pièces de monnaie du début du XVIIIe siècle montre un individu très fatigué. Et puis, dans la poursuite de cette longue histoire que vous décrivez dans le corps du roi, il y a un personnage central, c'est celui de Bonaparte, tel qu'il est décrit par Abel Hugo en 1836, on est bien après sa mort, une quinzaine d'années ou une douzaine d'années après sa mort. Eh bien, Napoléon Bonaparte est décrit ainsi, lu par Sophie Dole. Physiquement, Napoléon Bonaparte est en général ne paraissait guère remarquable que par la maigreur de son corps, par la pâleur de son visage, que rendait plus pâle encore l'expression vive de ses regards perçants comme ceux de l'aigle, et par ses longs cheveux, qui, taillés carrément, tombaient sur les deux côtés de sa tête et cachaient entièrement ses oreilles. Lorsqu'il devint consul, son extrême maigreur, bien qu'il fût encore très mince, avait déjà disparu. Ses longs cheveux étaient coupés, et le grand caractère de sa figure, débarrassé de cet ornement de mode et de mauvais goût, commençait à se faire distinguer. Ce n'est que vers le milieu de son règne, comme empereur, que la beauté naturelle de son visage acquit toute sa perfection, ainsi qu'on peut le voir en comparant les monnaies du consulat avec celles de l'Empire. Son teint s'était éclairci, ses cheveux courts laissaient à nu son front élevé, siège et emblème du génie. Son corps avait pris de l'embonpoint. Cet embonpoint augmenta par la suite à Sainte-Hélène. Accroissement que le défaut d'exercice, le manque de liberté, explique suffisamment sans doute. Toute romantique de ce magnifique corps impérial de Napoléon Ier, dont vous parlez aussi dans votre corps du roi, Stanis Pérez, parce que voilà quelqu'un qui poursuit un peu plus loin après la fin de la royauté, même si la royauté va s'interrompre un peu plus tard, mais néanmoins après la Révolution française, qui poursuit justement cette embellissement du corps du roi. Alors, plus il est rond, plus il est embelli, visiblement, d'après Abel Hugo, alors que il était maigre lorsque... Moi, on peut en discuter. Hein, mais on va dire que le pouvoir rend beau. Alors, est-ce que c'est le pouvoir? Est-ce que c'est l'argent? Bon, il y a quand Est-ce même... Est-ce que ce sont les bénéfices dont on peut tirer, justement, de la proximité du souverain? Exactement, voilà. Bah, c'est surtout le compliment. Bon, c'est... Enfin, Abel Hugo, en 1836, n'avait plus du tout à avoir de bénéfices de la part Bien de... Bien sûr, mais il y a quand même cette fascination pour les grands personnages. Bon, on sait que l'expression est bannie du monde universitaire, sans doute à raison, mais en tout cas, les sources et les contemporains et les archives que nous étudions quand nous sommes historiens, elles butent quand même sur cette réalité. C'est-à-dire que ce qu'on veut raconter, de toute façon, ça doit être ou tragique ou comique, mais ça peut pas laisser le lecteur indifférent. Donc on est obligé, encore une fois, d'utiliser des superlatifs et de dire de son ennemi qu'il est le diable ou qu'il est le bon Dieu. Bon. Alors, il y a effectivement au XIXe siècle une évolution dans le rapport entre l'incarnation du pouvoir, qui n'est plus d'ailleurs en réalité une incarnation. Les rois de la Restauration, les Orléans, etc., quand ils ont essayé, ça a échoué, et le pauvre Louis-Philippe, si je puis dire, en a fait les frais, lui qui a été moqué des dizaines et des dizaines de fois par des satires, par des caricatures, où on mettait en avant sa petite taille, son obésité, sa gourmandise présumée, ce qu'on avait déjà fait pour Louis XVIII. Au point que on l'a représenté, hein, c'est la fameuse caricature de Philippon, sous la forme d'une poire, et ça a défrayé la chronique. Les ouvriers qui voulaient s'attaquer à son image dessinaient des poires un petit peu partout. C'est devenu, j'allais dire, un graffiti, un slogan, un signe de subversion qui s'est démultiplié et contre lequel, en réalité, il était très difficile de lutter, parce que on peut toujours emprisonner le caricaturiste qui est à l'origine de cette mode. Mais comment faire quand les enfants, quand le reste de la population... C'est le problème du guignol, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Effectivement, c'est le problème du guignol, mais il y a la puissance quand même du symbole. Et ça, je trouve que c'est quand même important, parce que une poire, bah, c'est quoi? C'est un fruit qui est courant, qui est banal, qui souvent d'ailleurs a tendance à mûrir très vite et à pourrir très vite. Au-delà, disons, de la caricature du visage, comment dire, de l'embonpoint du roi, ce qui d'ailleurs implicitement était une caricature de l'élite et de la bourgeoisie, sous-entendu, eh bien, tous ces gens-là, ils mangent le pain du peuple, et c'est pour ça qu'ils sont obèses. Donc il y a une lecture sociale, culturelle et évidemment politique. Et puis, il faut bien dire effectivement que tout cela a été préparé, Fadi Elhadj, dans votre sabordage de la noblesse, mythe et réalité d'une décadence, vous l'expliquez bien, par un 18e siècle qui a donc fait migrer, pourrait-on dire, les vertus du milieu justement de ces aristocrates qui sont chargés de gouverner le peuple vers une autre aristocratie qui serait le peuple soi-même, qui est capable de se gouverner. Et vous insistez beaucoup dans le sabordage de la noblesse sur le glissement des qualités d'héroïsme et de patriotisme de cette aristocratie qui était chargée théoriquement de préserver cet héroïsme et de préserver ce patriotisme vers d'autres catégories sociales au XVIIIe siècle. Tout à fait. Il faut dire que le siècle précédent, le XVIIe siècle, était marqué par ce qu'on appelle le courage collectif. On a Guillaume d'Orange qui dit à la bataille de Neerwinden « Oh l'insolente nation !» Donc il y a l'idée d'un courage qui est inhérent aux combattants français, notamment à leurs officiers et leurs généraux qui donnent de leur personne. Mais progressivement, on observe, notamment avec l'oubli de certaines valeurs militaires du fait des années de paix, que il y a finalement une sorte de perdition qui se produit, et on a finalement une valorisation du courage individuel pour ériger des exemples qui doivent être qui doivent inspirer, on va dire, de plus grands groupes, une plus grande collectivité. Et c'est là où le texte de Montesquieu, avec lequel on a commencé, était une sorte de paradoxe, parce que voilà un noble qui est considéré comme celui, un des penseurs justement du changement social, mais qui lui préserve cette idée que il fallait un collectif romain en l'occurrence pour pouvoir maintenir les valeurs militaires, et que cet individualisme est un défaut de son siècle. Et pourtant, c'est cet individualisme qui va faire en partie la Révolution française. Tout à fait. Et cet individualisme a commencé à on va dire, mettre en valeur les petits, c'est-à-dire les soldats qui font les actions qu'on leur commande. Et donc, sans ces petites mains, les succès ne peuvent être réalisés. Et donc, c'est pour ça qu'on met en valeur des grenadiers, des sans-grades, pour juste... Donc, finalement, il y a un basculement. On prépare, d'une certaine façon, les soldats de l'an 2. C'est-à-dire, la mythologie des soldats de l'an 2 s'est préparée en amont, pourrait-on dire, par un 18e siècle qui rend compte, justement, de cette valeur individuelle de chacun des soldats, ou les grognards de Napoléon Ier, en l'occurrence. Tout à fait. D'ailleurs, la Révolution française, en fait, reprend des idées, des valeurs qui étaient défendues bien avant elle, et qui ont été donc, on va dire, perverties, abâtardies, oubliées sous les règnes de Louis XV et donc de Louis XVI. Et finalement, la Révolution reprend des choses qui ont été abandonnées. Mais tout de même, y a une aventure militaire que vous ne passez pas sous silence, en l'occurrence Fadi El Hadj, mais c'est celle de ces nobles qui vont combattre pour la guerre d'indépendance américaine. Eux, ils vont faire claironner, pourrait-on dire, le clairon français outre-Atlantique. Ils vont montrer que ces valeurs de la noblesse militaire n'ont pas complètement disparu à l'orée de la Révolution française. Alors, ce n'est pas tout à fait faux, mais moi je compare souvent cette aventure de la guerre d'Amérique à l'aventure des jeunes nobles du XVIIe siècle qui partaient en Suède combattre avec Gustave Adolphe durant la guerre de 30 ans. Et c'était une noblesse qui était, on va dire, assez instable, qui avait participé à des révoltes nobiliaires, même contre l'État, pour des raisons religieuses ou politiques. Et là, on va dire qu'il y a une idée de revendication, finalement, en partant à l'aventure outre-Atlantique. Oui, et tout de même une idée aussi de sortir de la cour, de reprendre un peu d'aventure dans une cour qui, pour le reste, amollit ses membres et puis pervertit leurs mœurs. On va lire deux petits extraits que vous citez dans votre livre « Le sabordage de la noblesse » à propos d'une dame qui s'appelle Madame de Saint-Sulpice. Vous nous dites qui elle est et pourquoi elle est devenue, dans la première moitié du XIXe siècle, un objet de raillerie de la société de la cour, mais aussi de la société parisienne de l'époque, en l'occurrence. Qui est Madame de Saint-Sulpice, Fadi El Hadj? Alors, cette pauvre Madame de Saint-Sulpice était une veuve qui s'était retrouvée à un souper et qui a eu un accident anodin. Voilà, cet accident anodin est raconté de deux façons différentes par les chroniqueurs de l'époque. Première façon, Edmond Jean-François Barbier, chronique de la Régence et du règne de Louis XV, ou journal de Barbier, en 1857, Sophie Doll. Madame de Saint-Sulpice est une jolie femme et coquette, qui a l'imprudence de souper avec des princes du sang, et qui souffre de mauvaises scènes quand ils sont ivres. Il y a quelque temps que le comte de Charolais la déshabilla toute nue. Elle était ivre morte. Ils l'emmaillotèrent dans une nappe avec des serviettes comme un enfant et ils la ramenèrent ainsi dans un carrosse à sa porte. Depuis, monsieur le duc lui a fait ce beau tour sous son siège. On mit deux traînées de poudre avec deux pétards. Elle n'a pas le cul brûlé, mais elle a le ventre et un grand trou à la cuisse. On dit qu'elle aura peine à en revenir. C'est la Péronie, chirurgien du roi, qui la voit. Voilà, une version donc de la vie dissolue de Madame de Saint-Sulpice et de ses princes du sang qu'elle fréquente. Et une autre version, le journal de Paris de Mathieu Marais, 13 février 1721, Saint-Sulpice brûlé. Il est arrivé le jeudi 13 un accident singulier à Madame de Saint-Sulpice, qui est une jeune veuve fort aimable qui ne quitte point Madame de Prie et Monsieur le Duc. Elle était avec eux, monsieur le comte de Charolais et autres, dans une maison du faubourg Saint-Germain, à souper. Elle se leva de table pour se masquer et alla dans une autre chambre où, étant debout auprès du feu, un pied sur un chenet, son panier poussa sa jupe dans le feu sans qu'elle s'en aperçût d'abord. Le feu ayant pris à la jupe et au panier, elle vint retrouver la compagnie qui fut fort étonnée de la trouver en cet état toute brûlante. On ne savait comment la secourir. Elle se jeta par terre, le comte de Senneterre se jeta sur elle et voulant étouffer le feu, le panier qui n'était point flexible et où il y avait du fil et des baleines empêcha qu'il ne s'éteignît en sorte qu'elle fut brûlée à beaucoup d'endroits fort dangereusement. On la déshabilla à la fin et on la ramena chez elle où, ayant été visitée par la Péronie, fameux chirurgien, il la trouva très mal. Cette ridicule aventure a donné lieu à causer à tout Paris. La jeune dame en sera longtemps malade si elle n'en meurt pas. Et après sa guérison, elle en sera bien honteuse. Elle est veuve de Monsieur Saint-Sulpice, intendant de marine, qui lui a laissé de grands biens et vivrait très agréablement si elle ne s'était pas adonnée au prince qui l'aime, mais qui en font leur jouet. Parce que parmi toutes les critiques qui sont affublées, dont sont affublés les nobles du XVIIIe siècle, il y a évidemment cette critique de la vie dissolue, avec l'exemple du régent, mais aussi avec l'exemple de Louis XV soi-même, et là en l'occurrence d'une jeune dame, Madame de Saint-Sulpice, veuve d'un intendant de marine, qui fait beaucoup rire Paris, parce qu'évidemment... une robe paniée, mais également les jambes brûlées par le feu. Tout cela, évidemment, permet de lancer des libelles qui ont des valeurs sexuelles, en plus de cette valeur informative d'un petit accident qui devient d'un seul coup une affaire dans tout Paris et à la cour. Oui, tout à fait. Cette histoire de la pauvre Madame de Saint-Sulpice, c'est un accident malheureux, comme il peut arriver près d'une cheminée. Mais malheureusement, la rumeur a grossi l'affaire et aussi l'a complètement tordue, avec finalement la conclusion de « elle était avec des débauchés, elle a bien cherché », ce qui a des connotations très contemporaines. Le feu prit à sa cheminée, dit un libelle, cet accident me surprend, car elle était souvent ramonée. Évidemment, on voit très bien ce que signifie justement la dimension sexuelle de cette soirée, donc de Madame de Saint-Sulpice avec des grands de ce monde, eh bien, a pu être transmise dans tout Paris. Et là, on voit bien effectivement le discrédit d'une certaine noblesse auprès du peuple de Paris par l'intermédiaire de ces libelles qui ont été étudiées pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle par Robert Darnton en particulier. Oui, tout à fait. Ces libelles ont fait énormément de mal, puisque très souvent il y avait des rumeurs infondées ou alors des événements qu'on a grossis de façon à créer notamment ces fameuses histoires de souper orgiaque du régent, qui même maintenant rappelle beaucoup de choses aux gens quand on leur évoque le XVIIIe siècle. Il faut dire qu'entre-temps, il y a eu que la fête commence et que Bertrand Tavernier a permis justement de relancer par le film cette question-là. Stanis Pérez, cette question de l'abâtardissement, d'une noblesse qui ne tient plus son rang, d'un corps du roi qui ne serait plus exactement à la hauteur de ce que l'on attend. On a parlé beaucoup de Louis XVIII, on a parlé aussi de Louis-Philippe. Il y a une sorte de descente en gamme dont on parlait tout à l'heure avec l'anacyclose telle qu'elle est décrite par Polybe et reprise au XVIIIe siècle, en l'occurrence, telle que, en tout cas, les contemporains le pensent. Alors, bon, les contemporains n'emploient pas, à ma connaissance, ou rarement, le terme d'anacyclose, qui a presque un côté un peu pathologique. On dit, tiens, ça doit être une maladie, quoi, c'est peut-être une maladie. Une maladie politique. Une maladie, non pas diplomatique, mais là, en l'occurrence, politique. Mais, alors, cette anecdote remarquable, à bien des égards, moi, elle me fait quand même penser à une évolution qui est parallèle, mais qui répondra, je pense, à votre question. C'est que au XVIIIe siècle, et même d'ailleurs au XVIIe siècle, quand on critique le roi, on critique l'entourage du roi et on critique les femmes qui sont dans l'entourage du roi. Que ce soit... Il faut faire une lecture de genre de cette question-là. Oui, oui, la favorite, la maîtresse, qui est forcément une catin. Finalement, la noblesse, ces hommes qui sont sur le déclin du point de vue social, ils s'attaquent à une femme. C'est-à-dire que quelque part, on retrouve sur la longue durée la femme en tant que bouc émissaire d'une crise des repères, d'une crise des symboles, d'une crise également du pouvoir. Avant qu'on soit attaqué à Louis XVI, on s'est attaqué à Marie-Antoinette. Bon, bien sûr. Comme on s'attaquait déjà à Madame de Maintenon et à son influence présumée sur... Et à Madame du Barry, évidemment. À Madame du Barry, bien entendu. Et tout ceci, en fait, il y a quand même une unité, une continuité, je crois, dans cette diabolisation d'un éternel féminin, mais qui est basé sur des clichés, sur des rengaines, sur des choses qui varient finalement assez peu et qui sont ensuite colportées par la rumeur, alors des pamphlets, des caricatures, etc., etc. Mais l'objectif de ces critiques, c'est quoi ? C'est quand même ramener très souvent le pouvoir à sa définition traditionnelle qui est le pouvoir, c'est quelque chose avant tout viril. Dans une société traditionnelle, le pouvoir, ce sont les hommes. Et si les hommes fréquentent trop les femmes, ils risquent effectivement de perdre leur pouvoir, de transmettre. La fréquentation, évidemment, peut être un signe de virilité, mais être trop débauché, effectivement, on s'intéresse de moins en moins aux affaires de l'État. Ça, c'est la critique à l'égard, par exemple, de Louis XV. À force d'être débauché, on ne veut plus aller à la guerre. On a des sermons, alors là, on n'est plus au XVIIIe siècle, on a des sermons du début du XVe siècle qui critiquent la cour d'Isabeau de Bavière, au moment où Charles VI est fou. Et dans ces sermons, notamment, je songe à quelqu'un comme Jacques le Grand, ou même à Gerson, on lit, mais qu'est-ce que c'est que ces hommes qui restent enfermés dans le palais, des fêtes, des beuveries, etc. Ils ne veulent plus aller à la guerre, ils ne veulent plus faire la croisade. On est en plein déclin, plus rien ne va plus. Pourquoi ? Parce que ce sont les femmes qui gouvernent. Ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir sur les rois, sur les cours, et à partir de là, eh bien tout fout le camp. Les valeurs viriles s'effondrent. La société part dans la débauche, dans le luxe, la frivolité, etc. Sur la longue durée, c'est un gros problème. Ce rapport des rois aux femmes et des femmes au pouvoir, comme si les choses étaient absolument incompatibles. Merci en tout cas de terminer sur cette note effectivement d'histoire genrée, comme on dit, ou d'histoire du genre. Stanis Pérez, vous êtes l'auteur du Corps du Roi, incarner l'État, de Philippe Auguste à Louis-Philippe. Un très bon livre qu'il faut conseiller aux éditions Perrin, et on peut conseiller aussi celui de Fadi Elhage, un livre tout à fait excitant, on pourrait dire intellectuellement, Le Sabordage de la Noblesse, mythe et réalité d'une décadence, dans ses nouvelles éditions qui s'intitulent Passé, composé au pluriel, et qui publie en même temps Didier Le Fur et Elmire Dieu à la retraite, une brève histoire de l'histoire, et Christine Le Bozec, Les femmes et la révolution 1770-1830. C'est une maison d'édition qui est consacrée donc à l'histoire et qui vient de naître et qui vous publie, Fadi Elhage. Merci à tous les deux et merci à Sophie Doll pour avoir lu ces textes. Demain, nous parlerons donc du corps dans l'Antiquité. Cette émission a été préparée par Marion Dupont et par Céline Leclerc. Youtube Diego et Clopez étaient avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Et n'oubliez pas que samedi, nous serons tous ensemble, donc avec d'autres émissions de France Culture à la Sorbonne. Vous pouvez vous inscrire sur le site de la Maison de la Radio et sur franceculture.com pour des débats autour de l'Europe. Et pour notre part, à partir de 10h30, nous traiterons de l'Europe est-elle un mythe ?